Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un fait divers qui a marqué toute la France et au-delà de ses frontières. En 2005, l'homme d'affaires Edouard Stern, 38e fortune de l'Hexagone, est retrouvé mort en Suisse dans son appartement de Genève. Le grand public ne le connaît pas, mais cet homme agite le monde de la finance depuis près de 30 ans, au point de s'être fait de nombreux rivaux et ennemis. Mais le plus intrigant, ce sont les circonstances de sa mort. Son cadavre est retrouvé engoncé dans une tenue de latex couleur chair, prisée par les amateurs de jeux sadomaso. Son corps est criblé de 4 balles de 9 mm. L'enquête est confiée à un juge d'instruction suisse qui verrouille tout pour éviter les fuites dans la presse. Stratégie contre-productive qui génère hypothèses et questions les plus diverses, dont celle-ci, sommes-nous dans une affaire d'État? Car on parle d'un contrat lancé par la mafia russe. Et l'on évoque aussi les liens d'amitié d'Edouard Stern avec Nicolas Sarkozy, pas encore président à l'époque des faits, mais presque candidat. Notre invité aujourd'hui, Alain Jourdan, journaliste à la Tribune de Genève et co-auteur du livre « Mort d'un banquier, les dessous de l'affaire Stern » et de « L'affaire Stern, un procès sous contrôle » aux éditions genevoises Slatkin. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INLA, récit documentaire d'Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mars 2005, quartier chic des Eaux Vives à Genève. Ce jour-là, les associés d'Edouard Stern sont inquiets. Le patron a manqué ses deux rendez-vous de la matinée. Et ce n'est pas dans ses habitudes. L'un de ses collaborateurs appelle Maria Pires, sa femme de ménage, pour qu'elle leur ouvre la porte de l'appartement d'Edouard Stern. Lorsqu'il pénètre à l'intérieur du logement, Maria remarque que l'alarme n'a pas été activée et une paire de baskets traîne dans le couloir. La femme de ménage a un mauvais pressentiment. Edouard Stern est maniaque, il ne laisse jamais rien en désordre. Elle indique alors aux trois collaborateurs le chemin de la chambre. Arrivé devant la porte, il devance Maria et pénètre dans la pièce. Il ressort quelques instants plus tard, livide. L'un de ses collaborateurs confiera plus tard « C'était vraiment un scénario insupportable. Vous savez le genre de scène qu'on peut voir dans un film comme Seven ?» Très vite, la police investit la scène du crime. Et elle est pour le moins atypique, cette scène. Car la victime est entièrement revêtue d'une tenue en latex couleur chair. Impossible d'identifier formellement le cadavre. Il est là, à terre, couché sur le flanc gauche, avec la tête encagoulée. Juste à côté, une chaise Louis XV est renversée. Le commissaire Marco Matti raconte la scène dans le documentaire Zone d'ombre, diffusé sur la RTS. Sur place, à ce moment-là, je ne sais pas qui est la personne qui se trouve à l'intérieur de la combinaison latex. Je ne peux pas dire si c'est déjà un suicide ou un meurtre. On peut aussi penser qu'il y avait une tierce personne et puis qu'à ce moment-là, c'est un jeu sadomaso qui a mal tourné. On peut penser plein de choses. Vers 20h, le cadavre est envoyé à l'Institut médico-légal. La tenue de latex est découpée au cutter. Deux informations importantes sont obtenues. 1. Il s'agit bien d'un homicide. 2. La victime est identifiée. C'est Edouard Stern. Le juge d'instruction nommé pour cette affaire, lui, s'appelle Michel-Alexandre Graber. Il est expérimenté et il va tout faire pour trouver au plus vite le ou les coupables. Et pour cela, il va d'emblée mettre tous les médias à distance. Dans l'après-midi du 1er mars, Nicolas Sarkozy, alors président de l'UMP, tente par tous les moyens de joindre le juge d'instruction. Il veut en savoir plus sur les premiers éléments de l'enquête, car c'est un ami proche de la victime. Par précaution, le juge Graber dote tous les enquêteurs d'un téléphone portable spécifique, car il redoute d'être mis sur écoute par les services secrets français. Côté médias, l'annonce détaillée du meurtre a lieu le 3 mars. Au journal de 13h de France Inter, le ton est donné. Qui en voulait à Edouard Stern? Pourquoi a-t-il été assassiné? Le meurtre du banquier, meurtre ou assassinat, on ne sait pas pour l'instant, du banquier français dont le corps a été retrouvé par ses collaborateurs chez lui à Genève, est un grand mystère. Aucun indice, rien qui ne puisse expliquer la fin tragique de ce banquier, réputé pour son audace et ses coûts financiers. Rien, car la justice suisse ne donne aucune information ce matin, Étienne Monin. Oui, ça fait même sourire un greffier de l'instruction à Genève qui dit au passage « Ben oui, chez nous, ça fonctionne le secret de l'instruction, contrairement à chez vous. » Pour comprendre l'impact de ce meurtre et son retentissement, il faut s'intéresser à la victime, bien sûr. Au moment des faits, c'est un homme d'affaires connu de la plupart des places financières mondiales. Dans les jours qui suivent son décès, sa photo s'affiche en une de nombreux journaux de la presse internationale. On découvre alors un homme brun, grand, élancé, sportif. Pour compléter le portrait, il mesure 1m97, il est ceinture noire de karaté, de judo et plusieurs fois marathonien. Mais sa réputation, il l'a acquise dans la banque et les affaires. Un milieu dans lequel il est né, descendant d'une lignée de banquiers juifs originaires de Francfort, installés en France depuis 1832. Avec Lazare et Rothschild, la banque Stern devient l'une des grandes banques d'affaires françaises au XXe siècle. Stern, lui, passe son enfance dans un hôtel particulier du 7e arrondissement de Paris, dans les quartiers chics des ambassades et des ministères. Malgré un cadre luxueux, le jeune Édouard souffre d'un manque terrible. Ses parents ne lui apportent que peu d'affection et peu d'attention. Son père s'intéresse surtout aux voitures, à la chasse et à ses maîtresses. Le journaliste Éric Routier détaille le traitement que son père lui réserve. Il le faisait rentrer par la porte de service, il interdisait d'aller dans les salons de réception, de marcher sur les tapis. Alors l'enfant bafoué et méprisé se venge et humilie à son tour. C'était un peu le petit Abdallah dans Tintin, c'est-à-dire il se permettait tout, méprisant tout le monde, arrachant les ailes des mouches, invitant des amis, il les enfermait dans un tonneau. Tout l'après-midi, il étranglait les oiseaux, le sale petit vicelard, quoi. Dans son livre « Enquête » intitulé « Le fils du serpent », le journaliste Éric Routier a recueilli le témoignage d'un proche de la famille qui semble confirmer cette cruauté du père. Antoine Stern, dit-il, n'était pas seulement un imbécile, il était tout simplement un monstre. En septembre 76, Édouard quitte le domicile familial et débarque à Sciences Po Paris. Il a 22 ans, il s'est enfin décidé à commencer ses études supérieures. Dès les premières semaines, il se fait remarquer en amphi où il interpelle un prof d'économie. « Je vais vous dire, monsieur, que votre vision de la gestion des entreprises est complètement surannée. »« Ah bon ? Mais pourquoi, jeune homme ? Parce que vous ne connaissez manifestement pas la vie des entreprises. »« Ah ! Vous la connaissez sans doute parfaitement. Et quelle est donc votre vision des choses, jeune homme ? Monsieur, une entreprise, cela se gère avec les poings, avec les tripes, avec les dents. » Voilà. Et sur ces bonnes paroles qui valent théorème, Édouard Stern quitte la salle, théâtral, avant de quitter définitivement Sciences Po après seulement 3 mois de cours. Car le jeune homme a intégré parallèlement une école de commerce, l'ESSEC. Adepte des paris en tout genre, il se vante un jour de pouvoir rouler à 100 km/h dans l'enceinte du campus. Le défi est relevé, en pleine nuit, mais un policier surprend la scène et Édouard perd son permis. Qu'à cela ne tienne, il recrute alors un chauffeur parmi ses camarades de classe. L'année suivante, en 1977, il réalise un nouveau coup d'éclat. Le journaliste Jean-Pierre Delarocque raconte cet épisode sur France Inter. C'est avant tout un banquier d'affaires redoutable et sans état d'âme. Finalement, son premier coup, c'est d'avoir évincé son père de la banque familiale, la banque Stern, en 77, en s'alliant à d'autres membres de la famille. Une banque qui était en quasi-dépôt de bilan. Il est resté fâché avec son père pendant 15 ans. Pour cette histoire. Donc quand vous êtes capable d'évincer votre père sans état d'âme, vous pouvez faire beaucoup de business, beaucoup de deals et marcher sur beaucoup d'orteils et vous faire beaucoup d'ennemis. En 79, 3 ans après son entrée en école de commerce, il ressort diplômé et prend la tête de la banque familiale. Michel Garbolino, l'un des plus anciens employés de la banque, confiera 15 ans plus tard au Nouvel Économiste qu'à l'époque, Édouard Stern était un étudiant plus intéressé par les filles que par l'escompte. C'est Garbolino, dit Garbo, qui va lui apprendre les secrets des montages financiers et une formule simple mais efficace, synthétisée dans sa phrase fétiche, « Je mets les couilles sur la table ». Et ce sera bel et bien la méthode de Stern. Il a alors 25 ans. la menace réelle ou supposée de la gauche, du programme commun et de la nationalisation des banques et des chars soviétiques dans Paris. Oui, c'était un fantasme lors de la campagne électorale de 74. Bref, tout cela s'éloigne avec la victoire de la droite aux législatives de 78. Les affaires peuvent donc commencer pour le jeune loup de la finance. Au début des années 80, Edouard Stern s'est fait un nom. Il est jeune, séduisant, riche. Il aime diriger et exige la confiance absolue de son entourage, quitte à verser dans une forme de perversité. En témoigne d'ailleurs cette anecdote. Au cours d'un repas avec des amis, une discussion s'engage sur la sexualité. Édouard confie sa bisexualité. Or, à l'époque, c'est le début d'une épidémie qui ravage la communauté homosexuelle et les toxicomanes, le sida. Au cours du repas, Édouard se pique le doigt pour faire perler une goutte de sang. Il le plonge alors dans son assiette et verse tout dans la soupière de bisque de homard avant de lancer. « Je vous assure que je n'ai pas le sida, mais il va falloir me faire confiance. » Stupéfait par cette action et malgré le côté gênant et malaise de cette plaisanterie, personne ne s'insurge. Non, tout le monde avale sa bisque. Édouard leur confie peu après avoir fait semblant de se piquer. Cette petite histoire n'est pas si anodine. Comme l'explique en effet le journaliste Benoît Delmas, Stern agit dans la finance comme dans la vie, sans aucun scrupule. Il avait ses propres méthodes. Quand il avait fixé sa proie, peu importait les moyens, il n'y a que le résultat qui comptait. Donc il agissait très très vite. À 29 ans, Edouard Stern épouse Béatrice David Veil, fille de Michel David Veil, dirigeant de la Banque Lazare, l'homme le plus riche de France. C'est un mariage d'amour et de raison. A priori, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, pas toujours. Deux grandes banques privées françaises sont désormais unies par les liens du mariage. Édouard peut se projeter et s'imaginer dans le rôle de l'un des hommes les plus puissants de France et pourquoi pas du monde. En 85, il revend la banque Stern à un investisseur libanais pour 300 millions de francs, tout en gardant la possession du nom avec lequel il recrée aussitôt un nouvel établissement bancaire. 2 ans plus tard, il revend de nouveau cette banque pour 1 milliard et 750 millions de francs. En 92, il entre enfin au sein de la banque Lazare, dirigée par son beau-père en tant qu'associé gérant. Mais son caractère impulsif et sa volonté de faire l'argent vite, très vite, s'accordent mal avec les traditions de l'établissement. Il entre notamment en conflit avec Anne Lauvergeon, l'ancienne Sherpa du président François Mitterrand. En 97, il se brouille avec son beau-père. Il est contraint de quitter la banque Lazare. Ses espoirs de prendre le contrôle de l'établissement s'envolent et c'est le tournant de sa carrière. Les conditions du divorce sont quand même confortables. Grâce à un montage financier complexe, il a touché 300 millions de dollars d'indemnité de licenciement, selon l'un des associés de la banque Lazare. Au même moment, il divorce. Désormais 38e fortune de France, il va opérer seul, libre de tout engagement. Alors, Stern s'installe à Genève, où il mène une vie calme et discrète, selon un journaliste de la Tribune de Genève. Il s'établit à Genève pour des raisons certainement fiscales, comme beaucoup de grands hommes d'affaires français. Et pour une deuxième raison, c'est pour la discrétion et pour pouvoir travailler tranquillement et monter ses nouvelles affaires. Une vie très très discrète, il avait son jet, son appartement et 2-3 personnes qu'il connaissait à Genève, qu'il fréquentait, c'est-à-dire avocat, autre homme d'affaires et conseiller immobilier. Mais autrement, on ne le voyait ni dans les restaurants, ni dans les boîtes de nuit, ni dans le gotha d'affaires genevois. Donc très discret, oui. L'ancien dauphin de la banque Lazare commence une nouvelle vie avec son fonds de pension. En 1999, lors d'un dîner chez le PDG de L'Oréal, Lindsay Owen Jones, deux hommes autour de la table sont dans le creux de la vague. Edouard Stern, qui n'a plus la même réussite qu'au début de sa carrière, et Nicolas Sarkozy, qui vient d'essuyer un échec aux élections européennes. Lindsay Owen Jones leur lance. Vous êtes tous les deux des types de grands malheurs. Vous avez un vrai potentiel. Je suis absolument certain que vous reviendrez sur le devant de la scène. Et que vous serez alors beaucoup plus forts. Vous serez les leaders de la politique et des affaires de demain. Si le PDG de L'Oréal a eu le nez creux pour Nicolas Sarkozy, Edouard Stern, lui, ne retrouve pas les sommets. Il réalise quelques gros coups, certes, mais perd aussi énormément d'argent en investissant en Russie ou dans la société Rodia, notamment. Dans ce dernier placement, il s'estime s'être fait berner et multiplie les procédures pour tenter de retrouver sa mise. Et sa brutalité dans ses rapports professionnels commence à se retourner contre lui, notamment lorsqu'il négocie avec de grosses pointures, en Russie par exemple. D'ailleurs, dès 2003, il se sent menacé et demande à son ami Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, un permis de port d'armes. Une faveur exceptionnelle qui lui est accordée. Edouard Stern ne sortira plus jamais de chez lui sans un pistolet automatique. Et dans son appartement, il dispose d'un arsenal varié de plus d'une cinquantaine d'armes. Quelques jours après le crime, des voix s'élèvent pour évoquer la piste d'un contrat. La veille de sa mort, Edouard Stern avait confié à des proches qu'il avait peur pour sa vie. Alain Streber, un spécialiste de la finance, développe lui une thèse sur France Inter. C'est une affaire, à mes yeux, crapuleuse et déguisée, touchant la haute finance internationale parallèle. Pour la simple et bonne raison que cet acteur-là ne faisait pas partie du Gotha, a essayé d'entrer dans le Gotha financier genevois, est entré par un chemin justement parallèle, a dérangé, a fait énormément de transactions des plus douteuses avec la Russie, donc avec les ex-pays de l'Est. Et malheureusement, dans ce genre d'affaires, quand on fait des contrats, j'entends, commerciaux avec ces pays-là, si ça ne se passe pas exactement comme ils le désirent, on ne donne pas très cher votre vie. C'est soit ça réussit, soit ça passe, soit ça casse. Malheureusement, pour lui, ça a dû casser. Je pense très fortement à la mafia russe. Même son cloche dans la presse française. Mais les journalistes sont loin de se douter que les enquêteurs suisses sont déjà bien avancés, eux, grâce à des éléments matériels solides. Ils ont retrouvé en effet 6 des 7 jeux de clés qui permettent d'ouvrir l'appartement d'Edouard Stern. Vu qu'il n'y a pas eu d'effraction, c'est une piste à suivre. Très vite, en interrogeant tout l'entourage du banquier, ils réussissent à identifier le détenteur du dernier trousseau de clés. Il s'agit d'une femme qui apparaît sur les bandes de vidéosurveillance du parking le soir du meurtre. Elle est auditionnée le 5 mars par la police. Son téléphone est mis sur écoute et on place une balise GPS sous son véhicule, un dispositif utilisé habituellement pour les trafiquants de drogue. 2 semaines après le meurtre, le 15 mars, une annonce est relayée dans les agences de presse. L'assassin d'Edouard Stern a été identifié et a même avoué. Il s'agit donc d'une femme, Cécile B. Mais tout le monde attend maintenant les précisions du juge d'instruction Michel-Alexandre Graber. Il s'agit d'une femme avec laquelle la victime entretenait une relation intime et suivie depuis plusieurs années. Sa maîtresse. On peut le dire. Les mobiles peuvent être de nature financière. Elle était en procès depuis peu avec la victime pour de tels motifs. Ils peuvent également relever de problèmes de nature personnelle. Voilà, on se contentera de ça. Désormais. Une question est sur toutes les lèvres et dans toutes les rédactions. Pourquoi cette femme, Cécile Brossard, a-t-elle tué Edouard Stern ? You said I was the most exotic flower. Isn't that hard, boy, to like you or love you? so why is my heart broke? Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Juillet 2001. Édouard Stern et Cécile Brossard assistent à un dîner organisé par un couple de galéristes. Leurs regards se croisent, ils ne se parlent pas beaucoup. Le lendemain, Stern obtient son numéro de téléphone et la contacte. Et c'est le début d'une grande histoire, fusionnelle même, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur pour Cécile, c'est la grande vie. À bord de son jet privé, son Gulfstream, Édouard l'emmène partout, en Europe, en Asie, en Afrique. Et ils n'ont pas besoin de bagages. Édouard s'affranchit de toutes les règles, y compris d'enlever les munitions de son arme lorsqu'il monte à bord. Et le pilote n'ose rien dire. Il lui laisse même les commandes de l'avion. Ensuite, Édouard part avec Cécile à l'arrière du jet, dans une chambre aménagée, près de la queue de l'avion. Par ailleurs, Édouard est un homme cultivé qui collectionne les tableaux de Soulages et de Basquiat dans son appartement. Il est à la fois capable de parler géopolitique avec Hubert Védrine ou football avec Michel Platini. Cécile, elle, vient d'un tout autre milieu. Elle a grandi en banlieue parisienne et n'a pas fait d'études. Tout semble les opposer. Mais à l'instar d'Édouard, Cécile a vécu une enfance très douloureuse, comme l'expliquent la journaliste Valérie Duby et l'avocat Alec Raymond dans le documentaire Zone d'ombre. En ce qui concerne son père, c'était un homme aux mœurs particulièrement légères, qui organisait à son domicile toutes sortes de fêtes plutôt débridées, dont Cécile Brossard et sa sœur étaient les témoins. La maman de Cécile Brossard, il y a visiblement de graves troubles psychologiques, puisque lorsque les deux petites filles Brossard sont toutes petites, elle veut les entraîner dans son suicide en ouvrant la porte du four et en mettant la tête à l'intérieur. Ajouter à cela un oncle qui, à deux reprises, si mes souvenirs sont bons, a violé Cécile Brossard quand elle avait 12 ans, ça vous donne une idée assez édifiante du climat dans lequel cette fillette, à l'époque, a dû grandir. Ces blessures d'enfance, graves, Édouard et Cécile les partagent et les comprennent. Alors l'homme d'affaires lui ouvre les portes de sa vie et lui fait découvrir ses deux plus grandes passions, les armes à feu et la chasse. Lorsqu'il se rend en Tanzanie pour un mois de safari, par exemple, il emporte avec lui tout un stock d'armes de guerre. Et il loue pour lui tout seul une réserve de chasse aussi grande que la Belgique. Alors, chaque jour, il traque, il tue et il achève, du matin au soir, tout type d'animaux. La nuit, il allume des feux pour éloigner les lions qui pourraient le dévorer et les éléphants qui pourraient l'écraser. C'est sa manière à lui de ressentir la liberté. Cette quête de sensations fortes, il la poursuit également dans une sexualité débridée qu'il partage avec Cécile. Une amie de la jeune femme témoigne du comportement d'Édouard. Il me faisait peur. J'aurais pas voulu me retrouver seule avec lui. Elle me raconte que psychologiquement, c'est très très difficile pour elle, car il l'oblige à regarder des choses en sa présence qui sont insupportables, surtout pour une femme qui aime un homme. Ces choses, c'est des relations sexuelles avec d'autres partenaires ? Tout à fait. Je lui dis à plusieurs reprises, tu pourrais essayer de rencontrer quelqu'un, mais elle dit non, c'est lui l'homme de ma vie, je pourrais pas aimer quelqu'un d'autre comme lui. Parfois, lorsqu'il est sans nouvelles de sa maîtresse, Édouard se met en planque sur la colline qui domine son appartement et se poste avec des lunettes militaires de vision nocturne. Il la traque. Il se croit à la chasse peut-être. Et puis, tel un adolescent, il lui écrit une lettre en novembre 2004 à l'encre violette sur du papier rose. Il lui promet le mariage, de lui faire un enfant, et en gage d'amour, il va lui verser $1 million. Une sorte de bague de fiançailles. Alec Raymond, l'un des avocats de Cécile Brossard, revient sur cette promesse. Il lui dit « Je vais t'épouser et puis je vais assurer ton indépendance financière en te versant $1 million. » C'était la démonstration qu'Edouard Stern, pour qui les investigations l'ont démontré, un sou était un sou, non seulement l'aimait, mais l'aimait au point de lui procurer une certaine indépendance financière. Tout s'est cristallisé au début de l'année 2005 autour de cette somme d'argent. À la fois symbolique et à la fois gage d'indépendance pour Cécile Brossard, Édouard la lui verse sur un compte le 10 janvier 2005. Un peu plus d'un mois plus tard, Cécile récupère les intérêts générés par le million, soit $5 000. Quelques jours plus tard, fou furieux car sans nouvelles de Cécile, Edward Stern parvient à bloquer le million par une procédure judiciaire. Le 28 février, Cécile Brossard se rend à l'appartement d'Edward Stern. Elle enfile ses bas, son bustier et ses jambières de cuir. À l'arrivée d'Edward, elle prépare la combinaison en latex et l'aide à l'enfiler. S'ensuit un petit jeu sexuel avec un godemiché. Mais la scène bascule lorsqu'Edward prononce une phrase insupportable pour Cécile. L'avocat de la jeune femme, Pascal Maurer, raconte la suite au micro de France Inter. Il lui a dit cette phrase que l'on appelle la phrase gâchette, à un million, c'est cher payé pour une pute. Ça, c'est ce qui va déclencher le drame et ce qui va déclencher le passage à l'acte de Cécile Brossard qui réalise à ce moment-là, elle le déclare, c'est comme un éclair dans le ciel, que finalement Edouard l'a jamais aimé et que si on moque d'elle éperdument. Et là, elle est passée à l'acte, elle n'a pas attendu une seconde, elle s'est levée, elle est allée chercher le revolver qui était dans le tiroir d'à côté et elle lui a tiré dessus et elle l'a tué. 4 balles, 9 mm, 2 dans la tête, 2 dans le thorax. Cécile ramasse les douilles et tente d'effacer les traces en vitesse. Elle prend la fuite à bord de sa Mini Cooper garée dans le parking de la résidence. Puis elle jette un sac contenant le trousseau de clés et l'arme du crime dans le lac Léman, à l'embarcadère de Montreux. Elle rejoint ensuite le domicile de l'homme avec qui elle vit une grande partie de l'année. Elle lui demande de lui acheter un billet de train pour Rome et un billet d'avion pour l'Australie. S'ensuit une cavale rocambolesque. D'abord, Cécile se trompe de quai. Oui, au lieu de prendre le train pour Rome, elle monte dans un TER qui l'emmène à Villeneuve. Elle recherche alors désespérément un taxi pour rattraper le train. Le chauffeur accepte la course et il essaie de reprendre de l'avance sur l'autoroute pour que Cécile puisse prendre ce fameux train pour Rome. Ils font une tentative à Aigle et à Martigny, en vain. Cécile convainc alors le chauffeur de franchir la frontière pour l'amener en Italie jusqu'à l'aéroport de Milan où elle prend le premier vol pour Sydney. Arrivée sur place, exténuée, sous le choc, elle se réfugie dans une chambre d'hôtel au sein même de l'aéroport. Elle prépare un colis qu'elle envoie à son oncle et sa tante. À l'intérieur, il y a les vêtements qu'elle portait lors du meurtre. Bas noirs, bustier, jambières de cuir. Tout est maculé de sang. Elle y ajoute une enveloppe jaune contenant une grosse somme d'argent. Peu de temps après son arrivée en Australie, Fabienne Servan-Schreiber, la demi-sœur d'Edward Stern, appelle Cécile. « Cécile, c'est Fabienne. Je t'appelle parce qu'il est arrivé quelque chose de très grave à Edward. »« Quoi donc ? Un accident de voiture ? Non. Il est mort. Il a été tué dans son appartement de Genève. Assassiné. C'est pas possible. Mais c'est horrible. Que s'est-il passé ? Cette comédie. » que joue Cécile, quelques heures seulement après avoir tué Edward Stern, va dans le sens de la théorie développée par les avocats des partis civils, dont Marc Bonan, qui s'en explique sur France Inter. C'est une femme intelligente, c'est une ahurissante manipulatrice. Il y a trop de méthodes, il y a trop de cynisme, il y a trop de volonté claire. Et nous savons la colère qui précède l'acte, nous savons son comportement d'après, nous savons les mobiles de sa colère, nous voyons tout de même l'incroyable cruauté de l'acte. Le 28, elle a une préoccupation, une colère et un sujet. Le million, le million, le million. Et c'est Sganarelle qui réclame ses gages. Revenu le 4 mars de son voyage éclair en Australie, Cécile Brossard est interrogée le lendemain par la police. Mais elle nie les faits. Alors, les enquêteurs attendent de rassembler plus de preuves pour l'interroger à nouveau. Le 11 mars, soupçonnée par la police mais pas encore inculpée, Cécile demande à la famille Stern, par le biais de son avocat, de débloquer le million de dollars mis sous séquestre par Edward Stern. Le 15 mars 2005, elle est inculpée pour assassinat et incarcérée à la prison de Chandolon. Avant le procès, les avocats de la défense et les parties civiles passent un accord de non-agression. « Il faut éviter de s'attaquer dans la presse, c'est un gentleman agreement. Chaque partie peut ainsi travailler sa thèse calmement, sereinement. » Les avocats de la famille Stern veulent souligner la vénalité de Cécile Brossard, alors que ses avocats veulent montrer à quel point il s'agissait d'une histoire d'amour torturée, dans laquelle leur cliente était complètement sous l'emprise d'un homme puissant, comme l'explique Maître Maurer au micro de France Inter. Cécile Brossard a été poussée à bout et elle a finalement agi dans un moment d'émotion totale, de désarroi profond, et qu'elle était plus maître de ce qu'elle faisait, et que la responsabilité en incombe largement, si c'est pas, peut-être pas exclusivement, mais très largement, à Edward Stern, qui l'a poussé dans cet état d'esprit. Durant sa détention, Cécile multiplie les allers-retours entre la prison et l'hôpital psychiatrique. Elle est diagnostiquée bipolaire par les experts, ce qui n'est pas de nature non plus à protéger d'une sanction pénale. Le 10 juin 2009, c'est l'ouverture du procès à Genève. La presse suisse parle alors de procès du siècle. On se demande bien pourquoi, mais bon, la foule est là pour assister au jugement de ce fait divers qui réunit sexe, argent, monde de la finance et de la politique. De manière attendue, les deux lignes de défense sont restées les mêmes. Vénalité ou passion amoureuse. Et l'enjeu est énorme, car la justice suisse différencie trois qualifications. Assassinat, meurtre ou meurtre passionnel. Et les peines peuvent varier d'un an de prison jusqu'à la réclusion à perpétuité. Le tribunal tient également à préserver les trois enfants d'Edouard Stern. Certaines audiences se tiennent donc à huis clos. L'écrivain Régis Geoffrey, qui a publié « Sévère », un roman très réussi, inspiré de ce fait divers, assiste au procès. Il est gêné par le traitement réservé lors des débats à Edouard Stern. Comme il le dit en 2010. Tout m'a choqué parce que on a, si vous voulez, moi, il y a quelque chose qui me déplaît actuellement. C'est pas une question de circonstances atténuantes pour la personne qui a tué, ça n'a rien à voir. Mais cette espèce de façon de montrer le meurtre comme une chose à peu près banale et presque une chose inévitable, et de pas faire la frontière entre donner une paire de baffes, engueuler quelqu'un et l'insulter, et la mort. C'est extrêmement curieux, c'est un glissement moral de notre société qui est extrêmement étrange. Et quand même, on nous montrait presque que le meurtre était inéluctable. C'est extrêmement curieux. On avait quelqu'un qui, en tout cas, sur le plan de la loi, n'avait rien à se reprocher, puisque, à ma connaissance, il n'était condamné pour rien du tout. Et on avait l'impression que c'était presque inéluctable, et que, dans certaines circonstances, on est presque obligé de tirer une balle dans la tête de quelqu'un. Mmh. Moi, ça m'a choqué. Voilà. Et moi, ça m'a choqué parce que je me suis dit que il y avait au moins quelque chose sur lequel il était parfait. C'est sur ses rapports avec ses enfants. Après une semaine d'audience, Cécile Brossard est reconnue coupable du meurtre d'Edouard Stern. Les jurés ne retiennent pas la qualification de meurtre passionnel. Elle est condamnée à 8 ans et demi de prison. Les deux parties semblent accepter ce verdict. D'autant que le procès n'a pas été le théâtre d'un grand déballage sur la vie de la victime et de l'accusé. L'accord entre les avocats a bien été respecté pour préserver certains secrets. En 2013, désormais libre, Cécile Brossard adresse une lettre à la RTS, lue en direct à l'antenne. Ses mots sont les suivants. « Si j'avais été en état de penser, moi qui suis croyante, j'aurais appliqué le commandement « tu ne tueras point ». Et ensuite, évidemment, j'aurais pensé aux enfants et à Édouard. Il est évident que chaque seconde de ma vie qui passe, je regrette et regretterai éternellement mon geste. » Love. Vous écoutez France Inter, vous écoutez Affaires Sensibles qui vous a raconté l'histoire d'Edouard Stern dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invité Alain Jourdan. Bonjour. Bonjour. Journaliste à la Tribune de Genève et co-auteur du livre Mort d'un banquier, le dessous de l'affaire Stern et de l'affaire Stern, un procès sous contrôle. Cette histoire vous fascine au point d'en écrire deux livres. Faut-il qu'elle vous intéresse ? Mais pourquoi cette histoire vous intéresse-t-il ? Parce que les faits divers, il y a des faits divers qui disent rien. Il y a des faits divers qui disent beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là ? De l'époque, hein ? De l'époque, de la banque, de certains, des hommes, des femmes. Elle nous dit beaucoup de choses. Il y a d'abord l'endroit, Genève, qui est une place financière. Et la haute finance cultive la grande discrétion. Et là, on se trouve avec une figure de la très haute finance exposée médiatiquement au détour d'un fait divers totalement exceptionnel. Donc il y avait cet environnement, il y avait la personnalité de la victime qui faisait que c'était impossible de ne pas se passionner pour cette affaire. D'autant plus qu'immédiatement, dès les premières heures, on avait des rumeurs de mafia russe, d'affaires d'État. Donc, on ne pouvait que se passionner. Un million, c'est assez pour une pute. C'est ça qui fait basculer l'affaire. Alors, parce que c'est ce qu'on dit, hein, mais est-ce que c'est votre avis aussi? Oui, alors pour avoir suivi le procès et avoir enquêté quand même pendant plusieurs mois et avoir passé beaucoup de temps à remonter toutes les pistes, pour moi, il n'y a absolument aucun doute que c'est une affaire entre deux personnes qui tournent mal sur fond de sexe et d'argent. Mais c'est une affaire hautement sensible parce que elle est à la lisière d'affaires d'État, de haute finance, de personnalités. C'est-à-dire, Edouard Stern, c'est pas n'importe qui, c'est l'ami des puissants. Et on est chez les très, très, très riches. C'est-à-dire, on est chez les puissants, ceux qui ont le sentiment de pouvoir tout s'offrir. Vous avez évoqué cette anecdote, mais Edouard Stern qui se promène avec une arme qui est d'ailleurs la même que celle de James Bond, puisqu'il était passionné de James Bond. Mais enfin, on est là avec quelqu'un qui obtient des dérogations tout à fait exceptionnelles. Mais je pense que même des policiers ou des militaires ou d'anciens militaires ou d'anciens policiers ne peuvent pas avoir aujourd'hui ces dérogations pour se promener avec une arme dans un avion. Vous êtes en train de nous dire que la sphère financière est un pouvoir. Évidemment, on le sait, il faudrait être naïf pour pas le savoir aujourd'hui, hein, que non seulement elle a pris une partie du champ politique, hein, la puissance financière internationale, mais qu'en plus, parfois, elle peut être au-dessus du politique, jusqu'à avoir des passe-droits comme celui que vous exposez, là. Ah non, mais attendez, très clairement, c'est ce qu'on voit, nous, en enquêtant dans cette affaire, c'est le poids colossal de ces gens-là sur le pouvoir politique et sur leur sentiment de toute-puissance, qui est quand même allé jusqu'à entamer des démarches totalement inédites à l'époque pour nous faire interdire la publication de notre livre. Voilà. En usant de méthodes qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent. Racontez-nous justement. Ce journaliste qui est venu vous interviewer, il n'a pas sa carte de presse celui-là. Alors, eh bien, déjà, la famille Stern arrache. Non, enfin, c'est oui. Alors, il y a la famille Stern et puis il y a les avocats. Parce qu'en fait, on avait tout le monde hein, contre nous. Mmh. Mais en tout cas, ils obtiennent un jugement qui nous interdit de remettre le manuscrit à notre éditeur, ce qui était du jamais vu. Alors ça, c'est la partie judiciaire, avec une pression énorme. Heureusement, on a eu le soutien de la profession, on a fait des appels et on a pu contrecarrer cette pression-là. Mais on a eu les pressions au quotidien. Parce qu'en même temps que le juge Grabert avait droit à un cambriolage un peu bizarre chez lui, parce qu'il met toute son équipe sous téléphone, mais parce qu'il sent bien qu'il y a des choses quand même très sensibles. Ma collègue se fait voler son téléphone sur un parking. On rappelle son ma collègue Valérie Duby, avec qui j'ai écrit les deux livres. Et puis, on se retrouve aussi avec des gens qui viennent graviter dans notre environnement. Un pseudo-journaliste qui vient faire une enquête sur nous. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Des sociétés de renseignement privées qui se déploient autour de nous pour voir ce qu'on fait. Et puis, visiblement, beaucoup de problèmes sur nos téléphones à l'époque. On va continuer à en parler, bien sûr. Ça n'est pas fini après avoir écouté The Animan, Kill You. Jourdan, vous me disiez tout à l'heure que l'affaire Stern avait croisé d'autres affaires. Vous pensez à quoi ? Rodia, par exemple ? Un mot sur Rodia. Oui, alors c'est l'affaire sans doute la plus importante au moment où Edward Stern est assassiné, c'est que on se retrouve avec des procédures donc qui sont lancées par donc Edward Stern et un autre homme, un autre financier qui s'appelle Hugues de la Stérie, et qui vise directement Thierry Breton, qui à l'époque est le ministre des Finances, et il est visé pour son activité passée de membre du conseil d'administration de Rodia, et une enquête de l'autorité des marchés a mis en évidence visiblement des délits d'initiés, en tout cas des mouvements suspects, et qui au final ont coûté beaucoup d'argent à Edward Stern. Donc il livre une bataille féroce, et en fait tous se livrent une bataille féroce, c'est-à-dire que Stern est à la manœuvre pour attaquer Thierry Breton, et puis Thierry Breton et son entourage sont aussi à la manœuvre pour se défendre. Ouais. Ce qui expliquera beaucoup de choses, parce que c'est là qu'entrent en matière, en fait, les sociétés de renseignement privées. Puisque tout ce beau monde financier, en fait, passe son temps à s'espionner, à s'épier, et à faire monter des dossiers les uns sur les autres. Ah, c'est un milieu de requin, cela dit... C'est le requin de la finance, on est dedans, mais pour de... Requin de la finance, c'est pas seulement une image. C'est pas seulement une image. Le contrat Mixa avec l'Arabie Saoudite, Stern croise sa route ou pas? Forcément, Edouard Stern est à la lisière de tous les gros dossiers. Bien sûr. Bon, donc on peut imaginer. Après, il n'y a pas de preuve d'implication directe, mais il est à la lisière de plein d'affaires et de plein de dossiers importants. Quels sont donc ces secrets que les deux parties voulaient préserver jusqu'à cet accord entre les avocats et qui a été, durant le procès, respecté d'ailleurs? Elles sont de quel ordre? Si ce sont des secrets, forcément on ne les connaît pas par définition, mais de quel ordre à votre avis? Bon, de deux natures, privées. Alors il y a toute cette partie de débat sexuel qui implique d'autres personnes. Ah. Donc ça, c'est pas vraiment un secret, puisque dans son jugement, ce qui est tout à fait exceptionnel, le tribunal est sous pression des deux parties, a ordonné la destruction de toutes les photos qui avaient été récupérées lors des différentes perquisitions. Et on sait pourquoi, puisqu'il y avait des photos de parties fines qui montraient des proches d'Edouard Stern, et parmi lesquels des personnalités qui pouvaient être du milieu de la finance ou de la politique. Donc, il a été décidé de détruire ces photos. Donc, il fallait pas que les noms sortent pendant le procès. Et là, il y avait un accord des deux côtés. Ça, c'est le premier volet. Et puis l'autre volet, c'est que je pense que on ne voulait pas non plus que on évente justement la partie business et affaires. Parce qu'à un moment donné, on nous dit Edouard Stern cloisonnait ses affaires, Cécile Brossard ne savait pas, donc c'était pas un problème. Moi, je suis désolé, elle était dans son jet privé, elle passait beaucoup de temps avec lui, elle a pu entendre des conversations, elle a pu comprendre sur quel dossier il était impliqué, et il pouvait être impliqué sur des très gros dossiers. Je vous rappelle que le jour de sa disparition, où on découvre sa mort, il avait rendez-vous le matin avec William Broder. On l'a encore oublié, ça. Mais William Broder, c'est Hermitage Capital, c'est l'homme qui est à l'origine de l'acte Magnitsky pour faire des sanctions contre la Russie. Et c'était cet homme d'affaires qui dénonçait des malversations des plus hautes autorités russes sur du blanchiment d'argent, du détournement d'argent. Et donc, c'était avec cet homme-là qu'Edouard Stern avait rendez-vous le jour où on a découvert sa mort. Oui, alors est-ce qu'il avait des liens avec la mafia russe pour le coup? Non, il n'avait pas des liens avec la mafia russe, il avait des liens... Parce que ce serait contradictoire par rapport au rendez-vous qu'il avait ce matin-là. Bien sûr, non, il avait des liens... Bon, des fois les frontières sont un peu difficiles à... Oui, c'est un peu flou. Mais non, mais ce matin-là, il avait effectivement rendez-vous avec William Brodeur, mais les affaires d'Edouard Stern, effectivement, elles passent par la Russie. Qu'est-ce qu'on découvre, nous, pendant notre enquête? Alors, c'est à la périphérie, mais c'est pour ça que ce dossier est aussi sensible. D'abord, parmi les équipes d'Edouard Stern, il y a d'anciens membres, d'anciens staff des équipes de la Menatep, qui était liée qui était une banque russe, qui était liée au groupe Yukos, groupe pétrolier, et qui était mêlée à plein de malversations. Donc il y avait quand même des liens avec la Russie quand même assez ténus. Il faut pas oublier que dans les années 80, Edouard Stern est avec Alain Delon, l'un des soutiens, Général Lebed. D'accord. Qui disparut malencontreusement dans un accident d'hélicoptère. Il y a beaucoup de morts accidentelles en Russie. Mais bon, voilà, ça vous donne aussi l'environnement extrêmement sensible. On n'a que ça. Toute l'histoire d'Edouard Stern, tout son environnement professionnel est autour de dossiers comme ça, extrêmement sensibles. Donc c'est passionnant. Mais ça mène à plein d'endroits, mais c'est pas lié à l'affaire criminelle. Je vois. Alors dites-moi, vous nous emmenez en Russie, on va y rester. Julia Lemigova. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ancienne maîtresse des banquiers qui demande l'ouverture d'une enquête sur les conditions du décès de leur enfant âgé de 5 mois en mars 2000? Alors, Julia Lemigova, c'est une ancienne Miss URSS de 1991, et entre 80 et 1997 et 2000, Edouard Stern a une liaison avec cette femme, qui est une très belle femme, et de cette liaison naît un enfant qui s'appelle Maximilian, et qui décède le 10 mars 2000, dans des circonstances assez troubles. Visiblement, l'autopsie a montré qu'il avait été victime du syndrome du bébé secoué, et la nounou qui s'occupait de lui... elle a disparu, on la retrouve pas, et cette affaire ressurgit après le décès d'Edouard Stern. Alors, moi, ce que j'ai découvert au cours de l'enquête avec ma collègue Valérie Duby, c'est qu'on était, je vous parlais tout à l'heure des officines, on était très certainement dans le cadre de ces affaires qu'on était sur le point d'exhumer, dans le cadre d'une guerre d'image entre des plaignants. Mmh. Et avant le décès d'Edouard Stern, il était sous filature, il était surveillé. Et il y a des gens qui essayaient de constituer des dossiers sur lui pour l'atteindre. Oui. Pour atténuer la portée des accusations qu'il pourrait lui-même porter dans des délits financiers en montrant que c'était quelqu'un qui était... Bon. Donc je pense que ça, c'était un coup, une affaire qui avait été préparée, qu'on avait ressortie avant son décès. Puis le coup est parti après son décès. Mmh. C'est pour ça qu'on a parlé aussi d'une deuxième mort, il fallait l'attaquer. Mais ça, c'est des dossiers qui avaient été préparés et qui étaient là pour ternir son image, très clairement. Dernière chose, et assez rapidement, parce qu'il nous reste que 45 secondes, l'escapade australienne de la dame. Moi, j'ai du mal à la comprendre. Elle part, elle revient... Oui, elle aurait pu partir et puis va s'exiler, quoi. Oui, non, mais là, je pense qu'effectivement, là, on rentre vraiment dans le cadre de ce que le procès a montré, c'est que, bon, elle est complètement à côté de la plaque, ouais. Hein, dans ce moment-là, elle pète les plombs. Ceci dit, l'expertise du psychiatre qui, à un moment donné, nous dit que, elle est complètement borderline et voire qu'elle a un QI en dessous de la moyenne, ses relations passées, sa façon de faire même, pendant son incarcération et après son incarcération, me fait douter quand même lourdement du fait qu'elle soit complètement avec un QI de moins de 80. Je pense qu'elle était quand même beaucoup plus intelligente. Elle a quand même su séduire d'autres personnes qu'Edouard Stern. Mmh. Voilà. Merci. Pardon, c'est comme d'habitude quand on arrive à la fin du temps. C'est un peu brutal. On regrette toujours un peu, mais c'est comme ça. Merci infiniment, Alain Jourdan. Au revoir. Au revoir. Cette affaire sensible aujourd'hui, l'affaire Edouard Stern, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Rémi Sistiaga qui était à la technique aujourd'hui.